Chapitre 19. Le chant d'Atli, Atlamal. Le monde entier connaît la trahison tramée jadis dans l'ombre par des guerriers qui ne ménagèrent point les serments pour atteindre leur but. Ils en furent les victimes, non moins que les fils de Gyuki si odieusement trompés. Un malheureux sort perdit ses princes. Atli, d'ordinaire bien avisé, se méprit cette fois. Il se fit du tort en provoquant la perte de ses proches. Il envoya des messagers rapides afin de convier ses beaux-frères à se rendre près de lui. Sa femme, pleine de perspicacité, devina la ruse de son mari. Elle n'ignorait pas ce qu'il préparait secrètement. La sage princesse était tourmentée. Elle voulait leur venir en aide. Les messagers devaient traverser la mer et elle ne pouvait les accompagner. Elle grava des runes afin de les avertir, mais avant de les remettre, Vingi les changea. Les envoyés d'Atli dirigèrent leurs vaisseaux à travers des bouches nombreuses de la rivière, vers la demeure des chefs intrépides. Il s'agit des bouches du Rhin que les envoyés d'Atli remontent pour se rendre au pays des Niflungen. On leur offrit la bière de l'hospitalité sur les bancs du foyer. Leur arrivée n'inspira aucun soupçon. Ils acceptèrent sans défiance les dons que leur envoyait Atli et les suspendirent aux colonnes de la salle. La femme d'Eugni, Ghostbera, au regard perçant, se rendit auprès des messagers et leur souhaita la bienvenue. Glaumvör, la femme de Gunnar, se montra joyeuse de remplir ses devoirs et veilla aux besoins de leurs hôtes. Ils convièrent aussi Eugni, le noble prince. S'il y avait pris garde, il aurait pu découvrir la ruse. Gunnar promit d'aller vers Atli si Eugni y consentait. Mais Eugni refusa, quoi que pût dire le roi. Les vierges apportèrent de l'hydromel et des mets en abondance. Les cornes à boire circulèrent jusqu'à ce qu'on en eût assez. Quand le moment fut venu, le roi et sa femme se retirèrent dans leur chambre. Kostbera était très fine et elle connaissait les runes. Elle examina les lettres à la lumière du foyer, mais elle devait encore se taire. Les runes lui parurent falsifiées et difficiles à lire. Alors Eugni se retira avec sa femme, son épouse fidèle, Reva. Quand elle s'éveilla, elle raconta tout exactement au chef. « Tu veux partir, Eugni, prends garde, on est rarement trop prudent. Remets à une autre fois ce voyage. J'ai déchiffré les runes que Gudrun a gravées pour vous. » La femme bien avisée ne vous conseille pas de vous rendre à cette invitation. Une chose me frappe, je ne puis comprendre ce qui a poussé cette sage princesse à tailler des runes si peu claires. La reine a oublié une lettre, ou d'autres en ont ajouté une. Eugni, tu es trop défiante, moi je ne crains rien. Je ne veux point soupçonner de trahison avant que j'en aie la preuve. Le roi nous a donné en abondance de l'or rouge brillant comme du feu. Quand je verrai le péril, je ne reculerai point d'un pas. Kostbera, si tu vas là-bas, tu cours de grands dangers. Ce n'est pas une réception amicale qui vous attend. Je ne veux point te le cacher, Eugni. J'ai rêvé que cette expédition vous serait fatale. Serait-ce la crainte qui m'abuse? J'ai vu le feu consumer les draps de ta couche. Les flammes s'élevaient et embrasaient ma demeure. Eugni, il y avait ici des vêtements de lin auxquels tu ne prenais pas garde depuis longtemps. Ils sont très inflammables. Tu les auras pris pour les draps de ma couche. Kostbera. J'ai vu entrer ici un ours qui, de ses griffes puissantes, brisait nos sièges. Nous gémissions à haute voix. Dans sa fureur, il nous atteignit. Nous ne remuions plus. Toute la maison retentissait du bruit. Eugni. Le vent se déchaînera sur nous. C'est la tempête que tu auras prise pour un ours blanc. Kostbera. J'ai vu un aigle voler dans toute la maison. Nous étions couverts de sang. Cela nous portera malheur. Il semblait avoir la forme d'Atli. Eugni, bientôt nous abattrons du bétail. Alors le sang coulera. Quand on rêve d'aigle, cela signifie des bœufs qu'on doit abattre. Quels que soient tes rêves, il est certain qu'Atli est notre allié fidèle. Ils ne parlèrent plus de cela. Tout entretien doit finir. Quand le roi et la reine s'éveillèrent, ils eurent un entretien semblable. Glaumvör rêva de mort, et elle s'efforça de détourner Gunnar de l'expédition projetée. Glaumvör, j'ai vu préparer le poteau auquel on allait t'attacher. Des serpents te dévoraient, et tu continuais à vivre, puis tous périssaient. Que signifient ces songes? Je voyais briller une épée ensanglantée qui perçait la cuirasse. Il est dur de rapporter des choses semblables à son époux. Une lance meurtrière était enfoncée dans ton cœur. Des loups poussaient des hurlements sauvages à tes côtés. Je voyais courir des chiens qui aboyaient effroyablement, et ces aboiements annoncent d'ordinaire des combats. Je voyais un torrent passer à travers notre demeure. Déchaîné, il se gonflait et s'élevait au-dessus des bancs. Il vous brisait les pieds, à vous et à votre frère. Rien n'arrêtait la fureur des eaux. Ce sont là de sinistres présages. Je voyais ici des femmes mortes errer pendant la nuit. Elles étaient richement vêtues, et elles voulaient t'emmener avec elles. Les divinités qui te gardent t'abandonnent, je le crains. Gunnar, ce que tu dis vient trop tard. Nous ne craignons pas de faire le voyage auquel nous nous sommes engagés. Bien des choses, il est vrai, présagent que nous ne vivrons pas longtemps. Quand le jour fut venu, ils se préparèrent activement au départ, quoique les femmes voulussent les retenir. 5 seulement partirent, et autant de gens de leur suite. C'était une funeste résolution. Zavar et Zolar, les fils d'Eugni, et Orkning, le 5e, partaient avec les princes. C'était le beau-frère d'Eugni, et le guerrier portait joyeusement son bouclier. Les femmes les suivirent jusqu'au bras de mer qui devait les séparer de leurs époux. Elles tentèrent encore de les arrêter, mais on ne les écouta pas. Alors Glaumvör, la femme de Gunnar, se tournant vers Vigny, lui adressa ces mots. « Je ne sais comment tu nous récompenseras de notre bon accueil, mais s'il arrive quelque malheur, tu auras été un hôte bien perfide. » Vigny prodigua les serments. Il était impatient de partir. « Que les Jotun l'emportent s'il vous trompe, qu'il soit pendu à un poteau s'il abuse de votre confiance. » Kostbera, au cœur pur, parla à son tour. « Voguez en paix et que la victoire vous accompagne. Puisse nul ne vous attaquer et tout se passer ainsi que je le désire. » Eugni adressa ses vœux à tous les siens. « Quoi qu'il arrive, soyez prudents et tranquilles. » Bien des paroles furent encore échangées, mais peu d'entre eux se préoccupaient des suites de ce voyage. Ils se regardèrent affectueusement jusqu'au moment du départ. Chaque troupe suivit une route opposée. Ainsi le voulait le destin. Ils ramèrent aussi vigoureusement que la barque en fut presque brisée. Ils se penchaient énergiquement en arrière pour donner de forts coups de rame. Sous l'effort, les rames se brisèrent et leurs appuis également. Quand ils prirent terre, ils négligèrent d'attacher leur embarcation. Bientôt après, j'abrège ce récit, ils virent s'élever le bourg que Budli avait possédé. Les portes de fer résonnèrent bruyamment quand Eugni y frappa. Vigny dit alors ces mots qu'il aurait mieux fait de ne point dire. « Éloignez-vous de cette demeure. Si vous y entrez, vous serez en péril. » Vous vous êtes jeté bien promptement dans le piège, et bientôt on vous tuera. Je vous ai invité de bonne amitié, mais c'était pour vous tromper. » Eugni, qui ne songeait pas à reculer, répondit. Il n'avait jamais peur de combattre. « C'est en vain que tu essaies de nous effrayer. Tu n'y réussiras pas. Si tu dis encore un mot, tu t'en ressentiras longtemps. » Ils frappèrent Vigny et le firent mourir. Ils l'abattirent à coups de hache et il expira. Atli et ses fidèles s'armèrent, et quand ils eurent saisi leurs armes, ils se précipitèrent vers les murs d'enceinte. Des paroles de haine et de défi furent échangées. « Depuis longtemps déjà, je me suis promis de vous enlever la vie. »« Eugni, nous ne nous apercevons guère de ce que vous avez projeté. Nous vous trouvons peu préparés à nous recevoir, et nous avons déjà abattu et tué un des vôtres. » Ceux qui entendirent ces paroles devinrent furieux. Ils saisirent leurs arcs, et se couvrant de leurs boucliers, lancèrent leurs flèches acérées. Ceux qui étaient à l'intérieur s'aperçurent de ce qui se passait dehors en entendant les provocations des hommes d'armes. La fureur s'empara de Gudrun quand elle connut la trahison. Elle arracha de son cou les joyaux qui l'ornaient. Elle jeta à terre ses ornements d'argent avec tant de violence que les anneaux se brisèrent. Elle ouvrit hardiment la porte et sortit. Elle s'avança sans crainte, et prenant les Niflungen dans ses bras, elle les baisa. Ce fut pour la dernière fois. Leur ayant montré ainsi son affection, elle leur adressa ces paroles. « Je vous avais envoyé des runes pour vous empêcher de vous rendre ici, mais nul ne peut résister au destin. Vous deviez venir. » Elle essaya d'intervenir en adressant à tous des paroles de paix, mais nul ne voulut l'écouter. Tous s'écrièrent « Non !» La noble femme vit alors commencer ce rude combat. Sans hésiter un instant, elle rejeta ses vêtements en arrière et tira son épée pour défendre ses proches. Elle se conduisit bien dans la mêlée, partout où elle porta ses coups. La fille de Gyuki tua deux combattants. Elle frappa le frère d'Atli d'un coup qui l'obligea à se faire enlever par ses hommes. Elle se battit avec lui jusqu'à ce qu'elle lui eût abattu un pied. Elle enleva à l'autre frère le désir de se relever jamais. Elle l'envoya dans l'empire de Hel. Ses mains ne tremblaient pas. Le choc fut terrible. Nos chants en parlent encore. Mais les exploits des Gyokungen surpassèrent tout. Tant qu'ils conservèrent la vie, ces braves Niflungen, on vit sans cesse retomber leurs épées, leurs cuirasses lancer des éclairs. Ils fendaient les casques et leur cœur s'en réjouissait. Ils se défendirent depuis le matin jusque dans l'après-midi, depuis l'aurore jusqu'à l'approche de la nuit. Avant que le combat prît fin, le sang coula sur le sol en ruisseaux. 18 des assaillants succombèrent. Les deux fils de Kostbera et son frère survécurent. Atli, dans sa fureur, prit la parole. « J'ai devant les yeux un horrible spectacle et vous en êtes la cause. Nous étions ici 30 braves guerriers et maintenant il n'en reste que 11. La perte est trop cruelle. Nous étions 5 frères à la mort de Boudli. Elle en tenait 2 déjà et j'en vois 2 massacrés devant moi. J'avais de vaillants beaux-frères, je ne puis le nier. Femme cruelle, tu m'as procuré peu de joie. Depuis que je t'ai épousée, je n'ai guère eu de moments heureux. Tu m'as trahi, tu m'as privé de mes amis et tu as fait périr ma sœur. Voilà ce qui m'afflige le plus. » Brunhild, dont il impute la mort à Gudrun. Gudrun, souviens-toi, Atli, que c'est toi qui as commencé la guerre. Tu as tué ma mère pour avoir ses trésors. La noble femme enfermée dans une caverne y mourut de faim. Il est vraiment plaisant de t'entendre te plaindre. Avec l'aide des dieux, nous te ferons périr. Atli. Allons, mes hommes, augmentons encore les douleurs de cette femme orgueilleuse. À cette vue, je me réjouirai. Combattez de toutes vos forces afin que Gudrun gémisse. Oh, je voudrais la voir le cœur brisé et pleurant sur sa destinée. Emparez-vous de Högni avec un couteau, fendez-lui la poitrine et arrachez-lui le cœur. Hâtez-vous, mes hommes, attachez solidement le vaillant Gunnar à un poteau, serrez les cordes et faites approcher les serpents. Högni. Faites ce que vous voudrez, je vous attends sans crainte. Je ne faiblirai pas, car j'ai passé par de plus dures épreuves. Si nous étions sans blessure, nous vous tiendrions tête. Maintenant que nous sommes blessés, vous êtes les maîtres. Raeti, le gardien du bourg d'Atli, prit la parole. Saisissons Yali et épargnons Högni. Il suffira de faire la chose ainsi. Il mérite une telle fin, car vécut-il plus longtemps, il n'en resterait pas moins lâche toute sa vie. Le chef des cuisines n'osa résister. Il gémit, pleura et se cacha dans tous les coins. Cette attaque lui était dure, car il périssait innocent. Ce fut un triste jour pour lui. Il revenait d'avoir donné leur nourriture au porc et il regrettait la vie. Ils saisirent les armes de Boudli et aiguisèrent la lame. Le malheureux se mit à crier avant d'en avoir senti la pointe aiguë. Il était encore capable de fumer la terre et il aurait été heureux d'exécuter les derniers travaux pourvu qu'on lui laissât la vie. Högni se hâta de demander grâce pour l'infortuné. Vit-on jamais rien de tel? Il demanda qu'on l'épargnât. « Je suis mieux préparé que lui à jouer un semblable jeu, » s'écria-t-il. « Qui pourrait supporter d'entendre des cris pareils ?» Ils s'emparèrent du héros intrépide. Il n'y avait plus moyen pour eux de retarder l'exécution des ordres du roi. Högni se mit à rire bruyamment. On put voir avec quel courage il savait supporter la douleur. Gunnar prit la guitare et il en joua avec ses doigts de pied si merveilleusement que les femmes en pleurèrent et que les guerriers qui entendirent ces sons se prirent à gémir. Il donna ses derniers conseils à la reine, sa sœur. Les poutres se fendirent à ses chants. Les guerriers moururent à l'heure où les étoiles pâlissent, mais le renom de leur bravoure leur survécut. Atli s'enorgueillit de sa victoire. Il triompha de la mort des deux victimes et adressa à sa femme des paroles de menace et de défi. « Voilà le matin venu, Gudrun, et tu n'as plus tes frères, chérie. C'est ta faute s'ils ont péri. » « Gudrun, tu te réjouis, Atli, de m'annoncer leur mort. Mais si tu pouvais tout prévoir, tu regretterais le passé. Tu tiens maintenant l'héritage qu'ils t'ont laissé. Une éternelle douleur est ton lot. Bientôt je mourrai aussi. » Atli. « Je te détournerai de cette extrémité. Je te donnerai un meilleur conseil. Souvent, nous négligeons ce qui peut nous rendre heureux. Je te consolerai en te donnant des jeunes filles, des ornements d'or et de l'argent blanc comme neige, à ton choix. Gudrun, ne crois pas m'apaiser, je méprise tes dons. Quand tu m'aurais fait moins de mal, je n'en refuserais pas moins la composition. On a dit que j'avais l'âme cruelle, et maintenant cela est vrai. Tant que Gny a vécu, j'ai contenu ma fureur. Nous fûmes élevés dans la même demeure. Que de fois nous jouâmes ensemble dans les bois. Kremhild nous donnait de l'or et des colliers. Tu ne saurais m'offrir de composition pour la mort de mes frères. Ce que tu fais ou ne fais pas m'est également odieux. Cependant, la volonté de la femme doit céder à la puissance de l'homme. Le bourgeon tombe quand la branche se dessèche. L'arbre périt quand les racines sont coupées. Toi seul, Atli, es le maître. Avec une imprudence sans égale, Atli se fia à elle. S'il y avait pris garde, il aurait vu la ruse. Gudrun était rusée. Elle cacha ses desseins. Elle parut indifférente, mais elle avait deux visages. En l'honneur de ses frères, elle fit préparer un festin et de coûteuses boissons. Atli voulut aussi honorer ses morts. Ils cessèrent leur entretien pour préparer la fête. Le festin fut somptueux. Tout y était servi à profusion. La descendante de Budli était remplie d'orgueil. Elle songeait à se venger cruellement de son époux. Elle attira doucement les enfants à elle et les fit asseoir sur le banc. Ils s'effrayèrent, mais ne pleurèrent point. « Sur le sein de notre mère, pourquoi devons-nous venir tous deux ? Dois-je le dire ? Je veux vous tuer. Il y a longtemps déjà que je désire vous enlever la vie. Tue donc tes fils. Personne ne peut nous défendre. Mais si tu nous fais périr ainsi, nous qui jouissons à peine de nos jeunes années, tu en porteras la peine. » La femme cruelle exécuta son projet. Elle leur trancha la tête à tous deux. Atli demanda à différentes reprises si ses enfants étaient à jouer. Il ne voyait aucun des deux. Gudrun, j'accours vers toi, Atli, pour te répondre. La fille de Kremhild ne te cachera point ce qu'elle a fait. Quand tu sauras tout, tu ne seras point satisfait. Mais toi aussi, tu m'as causé de grandes peines. Tu as tué mes frères. Depuis qu'ils ont succombé, je n'ai pas eu un instant de calme et de repos. Je t'ai promis de me venger cruellement. T'en souviens-tu ? C'était le matin, je ne l'ai pas oublié. Et maintenant, voici le soir venu, et je t'annonce la même chose. Tu as perdu tes enfants, comme tu ne l'aurais jamais rêvé. Vois ces coupes à boire, ce sont leurs crânes. Je t'y ai apporté leur sang rouge pour t'en désaltérer. Leurs cœurs mis à la broche ont été rôtis. Je te les ai servis, comme des cœurs de veau, pour que tu t'en nourrisses. Tu n'as mangé que de cela, et tu n'en as rien laissé. Tu les as dévorés avec des dents avides. Tu connais maintenant le sort de tes enfants. Y en a-t-il de plus affreux ? J'ai rempli ma destinée et je ne l'ai pas trouvée joyeuse. Atli, tu fus cruel, Gudrun, quand tu commis ce forfait de mêler le sang de tes enfants dans la coupe que tu m'offris. Tu as égorgé tes fils comme jamais tu n'aurais dû songer à le faire. Au milieu de tous mes malheurs, tu m'enlèves encore toute consolation. Gudrun, oh, ce serait pour moi une volupté de t'égorger toi-même. On ne saurait assez punir un prince qui agit comme toi. Tu as accompli un forfait sans exemple. Le monde n'a jamais vu crime plus odieux. Tu as ajouté aujourd'hui un crime nouveau à tous les autres en prenant part au repas de tes propres funérailles. Atli, tu seras d'abord tué à coups de pierre, puis brûlé sur un bûcher. Ainsi tu auras le sort que tu as toujours désiré. Gudrun, fais en sorte que tu évites toi-même demain une fin pareille. Une belle mort me conduira dans une autre vie. Ils habitaient la même demeure. Ils se lançaient des regards de colère et des paroles de haine. Aucun des deux ne connut plus la joie. La fureur s'éveilla au cœur de Niflung. Niflung semble être un fils de Högni qui aurait déjà habité la cour d'Atli avant l'arrivée de son père. Il songea à la vengeance. Il alla dire à Gudrun qu'il haïssait Atli. L'affreuse mort d'Högni ne lui sortait pas de l'esprit. Elle lui répondit qu'il serait heureux s'il parvenait à la venger. Peu de temps après, Atli était tué. Le fils d'Högni le tua avec le secours de Gudrun. Le guerrier rapide s'éveilla. Il sentit qu'il était blessé, mais il ne demanda point qu'on vînt à son aide. « Qui a frappé le fils de Budli ? Dis-moi la vérité. Il ne m'a pas blessé légèrement. Ma vie s'en va. » Gudrun, il ne sied pas à la fille de Grimhild de te tromper. C'est moi qui suis cause de ta mort, et c'est le fils d'Högni qui t'a fait les blessures, d'où s'écoule ton sang. Atli. C'est une fureur contre nature qui t'a poussé à commettre ce meurtre. C'est le comble de la fausseté de trahir l'ami qui se fie en vous. Insensé, je quittais ma demeure pour obtenir ta main, épouse délaissée au cœur sauvage, ainsi qu'on t'appelait, et c'était la vérité, tu l'as bien prouvé. Nous t'amenâmes ici avec une suite nombreuse. Tout était magnifique dans notre cortège des fiançailles. De riches convives étalaient leur opulence, de nombreux troupeaux servirent à nous nourrir. Tout était en abondance et à profusion. Je te donnais en présent beaucoup d'or, 3 fois 10 serviteurs et 7 belles servantes. C'était un superbe cadeau, et j'y ajoutais encore bien plus d'argent. Tu pris tout cela comme si c'eût été rien, et tu voulais avoir le pays que Boudli me laissa. Tu me tendis des embûches, et je n'obtins jamais rien de ton héritage. Bien souvent, tu fis verser des larmes à ceux qui t'entouraient. Notre union a toujours été malheureuse. Gudrun, tu mens, Atli, mais je m'en console sans peine. Je n'ai jamais été douce, c'est vrai, mais c'est toi qui as semé la discorde. Tu as combattu d'une manière odieuse contre tes jeunes frères. La moitié de ta maison descendit vers elle. Tu as anéanti tout ce qui aurait pu te rendre heureux. Nous étions 3, mes frères et moi, et nous paraissions invincibles. Nous suivîmes Sigurd sur les flots. Chacun de nous dirigeait son navire vers une terre située à l'Orient. L'expédition était pleine de périls. Nous tuâmes un roi, sa terre nous appartint. Ses hommes nous firent hommage, nous étions les maîtres. Nous appelâmes les bannis hors des bois et nous donnâmes le pouvoir à ceux qui, auparavant, étaient réduits à la misère. Sigurd, le guerrier Yun, succomba et mon bonheur finit avec lui. Mon infortune était grande d'être si jeune encore privée de mon époux. Mais ce fut pour moi un plus grand malheur encore de venir dans la maison d'Atli. Il était dur pour moi, la veuve d'un héros, de ne plus le voir. Toi, jamais tu n'es revenu d'un combat après avoir vaincu ton ennemi et remporté la victoire. Toujours tu voulais reculer et jamais te défendre. Il est vrai que tu cachais ta lâcheté, mais elle n'en était pas moins un déshonneur pour toi. Atli, maintenant, Gudrun, tu mens, et cela n'adoucit pas ton sort ni le mien. Nous avons tout perdu. Seulement, Gudrun, que ta bonté ne me refuse pas les derniers honneurs à mes funérailles. Gudrun, j'achèterai un navire et un cercueil de pierre. J'enduirai de cire le linceul qui t'enveloppera. Je veillerai sur tout, comme si nous nous aimions. Atli mourut et ses fidèles gémirent. La reine remplit fidèlement toutes ses promesses. Alors Gudrun songea à sauter la vie. Mais elle devait la conserver encore et périr d'une mort différente. Depuis lors, on appelle heureux l'homme à qui il est donné d'avoir une fille aussi brave que celle de Gyuki. Dans tous les pays où il y aura des hommes pour en écouter le récit, vivra le souvenir de la lutte de ses proches parents.